J'irai pas à votre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. Bonjour, je commence cette émission par une introduction qui ne peut évidemment qu'être une pâle imitation de celle, au pluriel, que fait l'animateur de l'émission hebdomadaire Excusez du peu tous les lundis à 17h30, l'émission intitulée Power Pop Pills. Loin de moi l'idée de me moquer, au contraire, je suis souvent stupéfait, voire ébahi de la qualité de plume de votre animateur du lundi. Il m'en faudra des émissions avant d'égaler son brio. Mais je me devais de parler de cette émission parce que je lui emprunte modestement et avec moult gratitude la phrase suivante. Tout ceci n'a rien à voir avec une simple question de vie ou de mort, mais beaucoup plus que ça, c'est une question d'éternité. Cette phrase, entendue en direct alors que je préparais cette émission, n'a depuis pas quitté mes méninges. Puisque aujourd'hui, avec quelques amis, nous allons parler d'un certain 6 août 1945. Au-delà de la vie et de la mort, nous allons parler de l'âge atomique. L'âge d'Hiroshima. Évidemment, mais aussi de l'ampleur inimaginable, c'est le cas de le dire, de ce que le monde entier a appelé une révolution scientifique. Alors aujourd'hui, dans l'émission J'irai pas, tous les premiers mercredis du mois, à partir de 16h30, on va parler de l'âge atomique et on va commencer tout de suite avec un témoignage qui nous est lu par Fab et il va nous expliquer le contexte. C'est bon, ça marche ? Oui. Je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Hiroshima, que j'ai trouvé dans une boîte à livres, et qui a été écrit par un certain John Hersey, qui est un journaliste du New Yorker, et qui est allé sur place à Hiroshima en 1946, à peu près un an après l'explosion de la bombe, retrouver des civils victimes du bombardement, et qu'on appelle des Ibakusha. Et en fait, ils récoltent leurs témoignages, du coup, 8 témoignages. Ils les récoltent du moment où la bombe explose jusqu'à plusieurs années plus tard pour voir un peu les séquelles, etc. Et en fait, c'est un livre très concret sur la matérialité de la bombe. Et c'est ça qui m'a intéressé. Du coup, je vais vous raconter l'histoire d'un certain Ibakusha qui s'appelle Tanimoto. Le révérend Tanimoto s'était levé. Ce matin-là, à 5 heures, il était seul dans le presbytère. Depuis quelque temps, sa femme, avec leur bébé d'un an, s'en allait tous les soirs passer la nuit chez un ami, à Uchida, Faubourg Nord. De toutes les grandes villes japonaises, deux seulement, Kyoto et Hiroshima, n'avaient pas reçu la visite en force de B-san ou Monsieur B. Comme les Japonais, dans un mélange de respect et de familiarité dans leur malheur, appelaient les B-29, et Monsieur Tanimoto, comme tous ses voisins et amis, était presque malade d'angoisse. Ils avaient entendu, non sans malaise, raconter en détail les raids massifs sur Kure, Iwakuni, Takuyama et autres cités proches. Il était sûr que le tour d'Hiroshima ne serait tardé. Il avait passé une mauvaise nuit, la veille, et il avait eu plusieurs alertes. Depuis des semaines, il ne se passait guère de nuit sans que les sirènes retentissaient sur Hiroshima. Car, à l'époque, les B-59 se servaient du lac Biwa, au nord-est de la ville, comme de lieu de rendez-vous aérien. Et quelle que fût la cité que les Américains projetassent de frapper, les vagues de superfortresses déferlaient et franchissaient la côte non loin d'Hiroshima. La fréquence des alertes et l'obstination que mettait MB, Besan, à ne pas toucher à Hiroshima avait porté à son comble la nervosité des habitants. Le bruit courait que les Américains réservaient à la ville une attention particulière. 6h du matin n'était pas sonné que M. Tanimoto se mettait en chemin pour la maison de M. Matsuo. Il arriva chez ce dernier pour trouver ce qu'était un tanzu, une lourde commode japonaise pleine de vêtements et d'objets de ménage qu'il leur faudrait déménager. Les deux hommes s'attelèrent à la charrette et partirent. La matinée était d'une clarté transparente et si chaude qu'elle promettait une journée pénible. Ils cheminaient depuis quelques minutes lorsque la sirène retentit, signal continu d'une minute, avertissant la population que des avions approchaient, mais n'indiquant aucun danger sérieux et précis pour elle, puisqu'il n'était pas de matin qu'on ne l'entendit. Vers cette heure-là, régulièrement, un appareil de reconnaissance météorologique américain venait survoler la côte. Les deux hommes tiraient et poussaient la charrette à travers les rues de la ville. Hiroshima était bâti en éventail, en majeure partie sur la demi-douzaine d'îles que forment les sept branches de l'estuaire en delta de la rivière Ota. Les principaux quartiers d'affaires et de résidences s'étendant sur un peu plus de 10 km², au centre de la cité, renfermaient les trois quarts de la population, que l'exécution de plusieurs plans d'évacuation avait réduite de son chiffre maximum de temps de guerre, 380 000, à quelque 245 000 habitants. Usines, autres quartiers résidentiels ou faubourgs, traçaient une frange compacte autour de la ville. Au sud couraient les docks, un aérodrome et la mer intérieure, comme clouté d'îles. Une crête de montagne cerne les trois autres côtés du delta. M. Tanimoto et M. Tatsuo, ayant traversé successivement le centre et des rues commerçantes, déjà pleines de monde, puis deux bras du delta, gravissaient maintenant les rues en pente de Koi, en direction des quartiers intérieurs des collines naissantes. Au moment où ils attaquaient une côte, dans une vallée à l'écart de la zone de fort peuplement, la fin de l'alerte sonna. Les opérateurs japonais de radar ne détectant que trois avions supposèrent qu'il s'agissait d'une reconnaissance. Pousser la charrette dans la côte pour arriver à la maison du fabricant de rayon était chose fatigante, et les deux hommes, après s'être engagés avec leur chargement dans l'allée principale et avoir atteint le perron, firent halte pour souffler un peu. Entre la ville et eux se dressait une aile de la maison. Comme la plupart des demeures dans cette région du Japon, la maison était faite d'une charpente et de murs de bois soutenant un lourd toit de tuiles. Le vestibule, bourré de ballots de literie et de vêtements, avait l'air d'une grotte fraîche comblée de coussins. En face de la maison, à droite de la porte d'entrée, il y avait un grand jardin en rocaille fort prétentieux. Pas le moindre bruit d'avion. La matinée était paisible et tranquille, le lieu plein d'agréables fraîcheurs. Puis une formidable et fulgurante lueur déchira le ciel. M. Tanimoto se souvient distinctement qu'elle se traça d'est en ouest, de la ville vers les collines. On eût dit une nappe de soleil. M. Matsuo et lui eurent une réaction de terreur et le temps de réagir, car ils se trouvaient à 3200 mètres environ du centre de l'explosion. M. Matsuo franchit d'un bond le perron et le seuil de la maison pour plonger parmi l'amas de literie et s'y ensevelir littéralement. M. Tanimoto fit 4 ou 5 pas et se jeta entre deux gros rocs du jardin. Il s'aplatit de toutes ses forces sur le ventre, contre l'un d'eux. Face à la pierre, il ne vit rien de ce qui arriva. Il sentit une soudaine pression, puis une pluie de menus éclats de morceaux de bois et de fragments de tuiles. Il n'entendit nul fracas. Presque personne à Hiroshima ne se souvient d'avoir entendu un bruit de bombe. Seul, un pêcheur à bord de son sampan sur la mer intérieure à proximité de Tuzu, et chez qui vivaient la belle-mère et la belle-sœur de Tanimoto, vit la lueur et entendit une formidable explosion. Il était à peu près à 32 km de Hiroshima, mais le tonnerre fut plus fort que lors du bombardement d'Iwakawi par les B-29 et Iwakuni, n'était qu'à 8 km de là. Voilà, je termine cet extrait. J'en lirai peut-être un autre tout à l'heure sur qu'est-ce qu'un survivant qu'on appelle les Ibakusha. Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, pour continuer, je vais passer à un son de l'époque. Et puis, peut-être qu'on peut saluer les autres copains qui sont là. Je vais allumer vos micros. Alors, hop. Eh bien, bonjour et merci d'être venu. Vous allez tous nous parler de choses différentes, mais je vais. On peut saluer Guy, Polo et salut. Cléo qui sont avec nous et qui vont nous dire des choses aujourd'hui. Mais avant, je vais passer un petit bout d'émission de radio qui date d'octobre 1945. Allons-y. Dans d'énormes usines isolées du monde, entourées d'un réseau de sécurité et dont bâtiments et terrains couvraient 24 000 hectares, 75 000 personnes coupées de l'extérieur ont pendant des mois travaillé à la réalisation de la bombe atomique. Après que des savants de tout pays eussent mis au point les techniques issues des découvertes françaises sur la dissociation de l'atome. L'atome est formé d'un noyau composé de protons et de neutrons autour duquel tournent des électrons. Le nombre de ceux-ci détermine la nature du corps. Un seul électron et c'est l'hydrogène. Deux, c'est l'hélium. Trois, c'est le lithium. 92, c'est l'uranium. La possibilité enfin découverte de diviser l'atome au moyen d'un neutron permit la naissance de la bombe atomique. C'est dans les déserts du Nouveau-Mexique qu'eut lieu de nuit la première expérience. À près de 10 km, voilà ce qu'a enregistré la caméra. Une fumée lumineuse qui s'élève à 13 km de hauteur. Vision dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Hiroshima, 20 jours après cette expérience, était le premier point de chute. Une seule bombe effaça presque de la carte cette ville de 340 000 habitants. Trois jours après, c'était le tour de Nagasaki. Sur des kilomètres maintenant, seul le tracé des rues témoigne de l'existence passée d'une ville. Seules quelques bâtisses paraissent oubliées sur ce champ de ruines. Tout est mort, disparu, volatilisé. Les hommes ont arraché un nouveau secret. Comment désormais l'emploieront-ils ? La bombe atomique a gagné la guerre, la dissociation de l'atome servira-t-elle la paix ? Et voilà, c'était un extrait d'un journal qui parlait justement de ces deux bombes. Et aujourd'hui, on va continuer d'en parler, même des trois bombes à Alamogordo, à Hiroshima, puis à Nagasaki. Et bon, bah, alors dans cet extrait, il commençait... à expliquer ce que c'était les fonctionnements de ces bombes. Moi, je vais vous continuer un peu les explications. Ce sont sur Hiroshima et Nagasaki, ce sont deux bombes atomiques, certes, mais différentes, mais qui reposent quand même toutes les deux sur la fission nucléaire, comme on a entendu, c'est-à-dire des gros atomes qui se divisent en deux autres atomes plus petits, libérant de l'énergie et des neutrons. Ces neutrons vont alors casser d'autres gros atomes. C'est la réaction en chaîne. Dans les années 30, comme on l'a entendu, des physiciens vont découvrir successivement que, petit 1, on peut fissionner des gros atomes. Ça, ce sera des physiciens allemands qui trouveront ça. Et petit 2, qu'on peut faire cette réaction en chaîne. Donc, que ça peut être utile pour les explosifs dans l'industrie minière, par exemple. Et ce sont les Français, dont Joliot-Curie, qui vont même breveter leurs résultats et les garder secrets. Bien pour eux. Il n'empêche que le fait que des physiciens allemands s'intéressent à la physique nucléaire à la fin des années 30, ça a mis la puce à l'oreille à d'autres physiciens qui vont alerter les USA. C'est la fameuse lettre Szilard-Einstein. Et c'est notoire qu'à l'époque, en 1939, les Allemands étaient les méchants et les USA les gentils. Ça sera aux États-Unis les débuts du plus grand et coûteux projet militaro-scientifico-industriel de l'histoire, le projet Manhattan. Et ce projet Manhattan aboutira aux explosions de trois bombes atomiques, une sur Hiroshima le 6 août 1945, une sur Nagasaki le 9 août 1945, et une, quelques semaines avant, on l'a entendu, à Alamogordo, dans le Nouveau-Mexique, le 16 juillet 1945. Jusqu'à présent, j'ai parlé de gros atomes, de plusieurs bombes atomiques ou nucléaires. J'ai dit qu'elles étaient différentes, mais je n'ai pas nommé ces gros atomes qui sont fissiles ou fissibles. Il s'agit des atomes d'uranium-235 et de plutonium-239. Ces atomes, qui ont la particularité, bombardés par un neutron, de se casser et de libérer d'autres neutrons et de l'énergie, ont aussi la particularité d'être très peu présents sur Terre. L'uranium-235, par exemple, il peut être extrait des mines d'uranium, mais il n'est présent qu'à 0,7% dans le minerai. Le reste, c'est de l'uranium-238, qui n'a pas les mêmes propriétés. Le plutonium-239, lui, n'existe quasiment pas sur Terre. Mais on peut le fabriquer dans des réacteurs nucléaires à l'aide d'uranium-238, justement. Le problème, c'est qu'il en faut pour fabriquer justement Little Boy, la bombe atomique à uranium qui sera larguée sur Hiroshima le 6 août, et pour fabriquer Fat Man, la bombe atomique au plutonium qui devait être larguée sur Kokura, mais qui dévastera finalement Nagasaki, parce que Kokura était sous les nuages le 9 août. C'est en partie en ça que le projet Manhattan aura une si vaste ampleur. On ne sait pas comment séparer l'uranium-235 de l'uranium-238. On parle de fabriquer de l'uranium enrichi, c'est-à-dire qui a une concentration en uranium-235 de l'ordre de 80% au lieu des 0,7% dont je vous parlais. Mais comment on va faire ça ? Par séparation électromagnétique, par diffusion gazeuse, par diffusion thermique, par centrifugation ? On s'en fout, on s'en fout, on fait les quatre, on fait des usines, notamment à Oak Ridge, et on verra si quelque chose marche. On achète des milliers d'hectares, on construit des milliers de maisons pour les blancs et des cabanes pour les noirs. On a beau se battre contre le nazisme, la ségrégation raciale du Sud a toujours cours. On ne sait pas non plus comment fabriquer du plutonium. On ne sait pas ce que c'est une pile atomique, l'objet théorique du physicien Fermi. On ne sait pas si on peut l'atteindre, cette fameuse réaction en chaîne. On s'en fout, on va fabriquer le premier réacteur nucléaire au monde dans une ancienne salle de squash sous les tribunes d'un stade à Chicago. Et quand ça a marché, on en construit d'autres, notamment à Hanford pour le plutonium. Au total, ce projet, c'est plus de 30 sites qui seront utilisés, plus de 129 000 personnes, contrairement à ce qu'on a entendu, qui travailleront dans le plus grand secret, au point qu'on pense que sur ces 129 000 personnes, seules 12 savaient le but final de ce qu'elles faisaient. Parmi elles, il y avait le général Leslie Groves et le physicien Oppenheimer, qui chapeautaient le tout dans la ville secrète de Los Alamos, au Nouveau-Mexique. C'est à Los Alamos que les deux différents types de bombes ont été conçus, celle dite de type canon à uranium, qui consiste à mettre en contact deux masses d'uranium très enrichies en uranium-235, créant ainsi une masse critique qui déclenche la fameuse réaction en chaîne. Celle-là, on est quasi sûr qu'elle va marcher, donc on ne la teste pas. Enfin, si, elle sera testée sur Hiroshima. 70 000 à 80 000 personnes meurent instantanément, autant de personnes blessées, une puissance de 13 millions de kilos de TNT. On rappelle qu'au départ, cette course à la recherche nucléaire était contre les nazis, mais ils ont capitulé, comme on sait, le 8 mai 1945. Le deuxième type de bombe, à Los Alamos, le deuxième type de bombe dite à implosion, celle au plutonium, qui consiste à comprimer une sphère de plutonium, puis de le bombarder les atomes avec des neutrons, elle, on n'est pas vraiment sûr qu'elle fonctionne. Alors, le 16 juillet 1945, on la teste à Alamogordo, dans le désert du Nouveau-Mexique. Du nom de Gadget, c'est en réalité la première explosion atomique de l'histoire. Tu n'es pas venu pour me tuer. Alors, ne me tue pas. Tu aurais trop peur. Tu aurais trop mal. Tu dois te bâtir des tombeaux blindés. Mais la bombe atomique, c'est toi qui l'as inventée en douille. Alors, petite réflexion sur... je fais un petit voyage dans le temps, mais sur l'actualité du nucléaire. Le monde est assis sur une bombe et cette bombe a un compte à rebours. Aujourd'hui, la guerre nucléaire n'est plus un scénario de fiction, c'est une réalité en marche. En effet, en juin dernier, Israël a lancé des frappes massives sur les installations nucléaires iraniennes. Et en représailles, l'Iran a tiré des missiles sur Tel Aviv et Jérusalem, déclenchant une escalade inédite. Les États-Unis ont ensuite bombardé les sites iraniens à leur tour, réduisant à néant plusieurs installations, ou du moins, c'est ce qu'ils prétendent. Et au même moment, l'Inde et le Pakistan se sont retrouvés au bord de l'apocalypse. Un attentat au Cachemire, une riposte indienne, et le Pakistan qui menace de tout balancer, y compris l'arme atomique. Le 9 mai, près de 1000 missiles et drones pakistanais ont été interceptés par l'Inde. On est donc passé à un cheveu d'un échange nucléaire. Mais au lieu d'en tirer des leçons, d'autres pays accélèrent. En effet, la Corée du Sud réfléchit à se doter de la bombe, poussée par la menace nord-coréenne et la crainte d'un désengagement américain. La Pologne évoque quant à elle la possibilité d'un partage nucléaire avec la France. L'Arabie Saoudite déclare ouvertement qu'elle limitera l'Iran si ce pays franchit le seuil. Mais le Japon, l'Australie, le Brésil, tous avancent leurs pions dans cette nouvelle course folle. Et pendant ce temps, des puissances déjà nucléaires, telles Chine, France, Royaume-Uni, Israël, Inde, Pakistan, modernisent leurs arsenaux. Comme si la guerre froide était un bon souvenir à recycler. Et au sommet de cette absurdité, il y a une horloge. Ce qu'on appelle le Doomsday Clock. Cette horloge symbolique, créée par les scientifiques du bulletin of the Atomic Scientists, indique 90 secondes avant minuit. Et jamais l'humanité n'a été aussi proche de sa propre fin. Ce n'est pas une prophétie, c'est un avertissement. On ne joue pas avec des bombes de plusieurs mégatonnes sans que ça finisse un jour par péter. Alors non, non, non, le nucléaire ne nous protège pas. Il nous expose, il nous rend vulnérables, dépendants, paranoïaques. Et il transforme chaque conflit en potentiel Armageddon. Alors résister à la prolifération nucléaire aujourd'hui, c'est refuser de parier notre avenir sur une simple erreur de calcul. C'est dire non à la survie sous condition. Merci Guy pour un peu d'actualité, justement après avoir parlé d'histoire et de technique. Je laisse la parole à Polo qui voulait nous parler d'autre chose. Oui, je voulais insister sur le lien entre le civil et le militaire, enfin le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Mais juste avant, ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, j'ai un petit peu envie de réagir en disant que là tout à l'heure, tu as parlé de trois explosions. Et peut-être, enfin, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça et qui m'a vraiment, enfin, ça fait prendre conscience de, je sais pas, l'énormité de la chose. C'est que, au fait, il n'y a pas eu que trois explosions nucléaires dans le monde. Il y a eu, j'ai le chiffre sous les yeux là, 2161 explosions. Mais comment ça se fait qu'on n'est pas au courant? On pourrait être au courant. Hein. Enfin, je ne sais pas si t'as envie de dire deux, trois choses là-dessus, sinon. En gros, c'est des essais nucléaires qui ont été menés par toutes les puissances nucléaires, quoi. Bah, je pense qu'on pourra en parler en introduction de la petite histoire que vous nous avez racontée, Guy, justement sur en complément de la prolifération des bombes atomiques dans le monde, de faire une petite histoire des essais nucléaires et de comment les États nucléarisés se sont nucléarisés, justement. Ça pourrait être intéressant d'en parler, mais on peut t'écouter. Carrément. Aussi. J'aimerais sur ce que j'ai prévu de dire. Alors. Peut-être ça permet aussi de faire la transition avec ce que Guy vient de nous raconter. C'est que je trouve que c'est pas très compliqué d'être contre le nucléaire militaire. Aujourd'hui, même la CGT s'y met, apparemment. Par contre, chez des opposants au nucléaire militaire, il y a cette idée étrange de faire la distinction entre le militaire et le civil, de dire qu'on peut garder le deuxième en supprimant le premier. En gros, d'imaginer qu'on disposerait d'une technologie surpuissante, ou plus exactement que l'État disposerait de cette technologie surpuissante, mais qu'il ne l'utiliserait que dans le bon sens, soi-disant. Le fameux nucléaire pacifique qui est pas mal à la mode, mais qui marche absolument pas. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur le fond, même sans rentrer dans les détails techniques. On pourrait dire déjà qu'il n'y a aucune raison de faire confiance à l'État et à ses experts. au vu des innombrables défaillances, anomalies et fuites des centrales dites civiles, sans même parler des catastrophes comme Tchernobyl ou Fukushima. Et c'est bien l'un des problèmes du nucléaire, c'est que personne ne le maîtrise. On peut aussi dire qu'il n'y a rien de bien, tout simplement, dans le nucléaire civil, à cause de ces risques que personne ne maîtrise et de ce que ces risques impliquent aussi en termes de dépossession, d'impuissance, de perte d'autonomie, de légitimation de l'existence de l'État et de son appareil policier et sécuritaire. Ou encore, si on regarde quel monde de merde le nucléaire prétendument civil alimente en électricité. On peut enfin parler des possibles technologies qui, à partir du moment où ils s'ouvrent, restent rarement confinés dans leur boîte de Pandore, et d'autant moins s'ils sont source de pouvoir. On peut continuer aussi dans le même style, mais surtout ce que j'avais envie de dire maintenant, c'est que le nucléaire civil n'existe pas, qu'à partir de sa naissance et pour toujours, le nucléaire militaire et civil sont inextricablement liés. Depuis le début, ils se sont développés en synergie, ou plus exactement le nucléaire et militaire au départ, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, Dédé. C'est à des fins militaires qu'a été mise au point le premier réacteur, les premiers réacteurs. La production d'électricité est venue ensuite, comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres innovations militaires qui trouvent aussi leur débouché dans le civil. Quatre puissances en particulier ont œuvré au développement du nucléaire en tant que source d'énergie, les États-Unis, l'URSS, la Grande-Bretagne et la France. Et dans tous ces pays, le nucléaire a commencé par le développement de la bombe. Le nucléaire civil et militaire, ils partagent à peu près tout, à commencer par la recherche. Ce sont deux applications industrielles du même domaine de recherche fondamentale. Les deux font face au même problème et la recherche des solutions, elle aussi, est en grande partie commune. Séparation isotopique, traitement de déchets, démantèlement des équipements, approvisionnement en combustible, compréhension de la sismologie, etc., etc. Il y a de nombreux domaines de recherche communs. Je vais essayer de détailler juste quelques-uns de ces points parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Alors, pour ce qui est des matières premières, on l'a vu, il y a deux matières principales qui sont utilisées pour provoquer une explosion nucléaire. C'est l'uranium enrichi comme à Hiroshima et le plutonium comme à Nagasaki. Et pour la bombe H, il faut aussi de l'uranium et du plutonium, entre autres. Alors, l'uranium enrichi et le plutonium, ils sont obtenus à partir d'uranium, comme tu l'as expliqué aussi. C'est donc la même filière extractive. Il faut savoir qu'en France, il y a aujourd'hui 247 anciennes mines d'uranium, ça aussi, c'est pas très connu, qui restent donc radioactives pour des siècles, voire des millénaires. Même si la majeure partie d'uranium qui a alimenté la filière nucléaire française a été extraite pendant longtemps au Niger et aujourd'hui plutôt au Kazakhstan et bientôt en Mongolie. Alors ensuite, cet uranium extrait, il faut l'enrichir. C'est donc, comme ça a été dit aussi dans le cadre du projet Manhattan mené par les États-Unis, qu'ont été mis au point les premiers réacteurs de l'enrichissement d'uranium. C'est pareil pour le plutonium, qui est produit dans un réacteur à partir de l'uranium. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les centrales nucléaires dites civiles en produisent en quelque sorte. Ils se trouvent dans le combustible irradié qu'on trouve à la sortie de ces centrales et donc peut être séparé, obtenu à partir de là. C'est d'ailleurs pour extraire ce plutonium et l'utiliser pour la bombe qu'a été inventé le fameux retraitement. Donc c'est une opération qui consiste à obtenir le plutonium à partir de cet combustible usé et une technique qui est toujours utilisée. Alors bon, il faut peut-être préciser que le plutonium de qualité militaire, il sort des réacteurs qui ont été optimisés dans ce but. Il faut ce plutonium militaire, il en faut environ 5 kilos pour fabriquer une bombe. Alors, celui qui sort du combustible irradié de centrale civile, il est un petit peu moins efficace. Il en faut 10 kilos pour provoquer une explosion. Donc, c'est un peu moins efficace, mais ça marche quand même. Alors, pour ce qui est de l'uranium enrichi, c'est-à-dire celui dont on a augmenté la concentration en uranium-235, le plus facilement fissile. Alors, c'est pareil, la technique est la même. En gros, il suffit de faire tourner les centrifugeuses un petit peu plus longtemps pour avoir de l'uranium hautement enrichi, dit de qualité militaire. Alors, savoir qu'aujourd'hui, l'uranium de qualité militaire est enrichi à 95% au lieu de 3 à 5% pour l'électricité. Bon, y a un super schéma sur le site de sortir du nucléaire qui explique tout ça. C'est vraiment très très schématique, mais ce sur quoi je voulais insister, c'est que la technologie de base, disons, est la même. Et c'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle les programmes dits civils des pays comme l'Iran, ils font flipper tout le monde. C'est que ça peut vite échapper ou être utilisé, enfin avoir un double usage tout simplement. Alors ça peut aussi marcher dans l'autre sens, à savoir que le plutonium, y compris militaire à l'origine, peut être mélangé avec l'uranium pour obtenir le fameux MOX. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un type de combustible inventé par la France pour rentabiliser ses déchets, les déchets de ses centrales. Et donc qui fait marcher certains modèles de ces centrales que la France essaie de refourguer à droite à gauche, puisque c'est un peu sa spécialité. Y a plusieurs sites de retraitement qui fabriquent du combustible nucléaire. Il y a la Hague, le plus connu, mais aussi Malvézy dans le sud-ouest, Tricastin, pas très loin d'ici, Marcoule, Romain-sur-Isère. Ça, c'est des infos qu'on trouve sur une carte qui a été mise à jour cette année, en 2025, une carte de la CRIRAD, donc ça, qui se trouve sur leur site crirad.org. Enfin, il y a un autre déchet de l'industrie nucléaire, c'est l'uranium appauvri. Alors, l'uranium appauvri, c'est ce qui reste quand on enrichit l'uranium en augmentant sa concentration en uranium-235, donc ce qu'on a dit déjà plusieurs fois. Ce qui reste, c'est en gros de l'uranium-238 pratiquement pur. Et comme l'enrichissement d'uranium, c'est quand même la base du nucléaire, la France, enfin l'industrie nucléaire en général, mais l'industrie nucléaire française en particulier, eh bien, elle se retrouve avec des grosses quantités, d'énormes quantités d'uranium appauvri sur les bras. Alors, qu'est-ce qu'elle en fait ? Qu'est-ce qu'il est possible d'en faire ? Alors, cet uranium appauvri, il peut être retransformé en plutonium, donc utilisé pour la bombe, entre autres. Il peut servir à fabriquer le fameux MOX, on l'a vu. Et il peut aussi, et il le fait, servir en tant que tel, sans transformation, dans la fabrication d'armes, notamment de projectiles anti-chars, des projectiles qui perforent les blindages des chars et aussi donc de blindages qui résistent à ces projectiles. Par exemple, en France, il paraît que KNDS fabrique ce type de matériel qui équipe entre autres les chars Leclerc. Alors ces munitions contenant de l'uranium appauvri, ils ont la particularité d'exploser au moment de l'impact et de libérer de la poussière d'oxyde d'uranium qui est radioactive. Parce que même si l'uranium appauvri est moins radioactif que l'uranium enrichi, il le reste quand même. Et c'est donc une énorme saloperie qui fait régulièrement scandale, mais de ce que j'ai compris, et même si souvent on entend des déclarations scandalisées justement qui pourraient faire croire le contraire, et bien de ce que j'ai compris, il n'y a aucun traité qui empêche aujourd'hui de fabriquer, de vendre ou d'utiliser ce type d'armes, donc ça continue. Et bien sûr aussi, les usages, tous ces différents usages de l'uranium appauvri ne suffisent pas à écouler toutes les quantités produites, donc ça reste aussi un déchet. Et les déchets, c'est un peu le dernier chapitre que je veux développer un peu. Les déchets en général, c'est une des grandes problématiques communes, enfin disons, au nucléaire civil et militaire, enfin au nucléaire. Donc le MOX ou l'usage militaire du plutonium ou la fabrication d'armes à partir de l'uranium appauvri, ça ce sont des super techniques de recyclage qui rentabilisent certains de ces déchets du nucléaire, autant civil que militaire. Mais quand on regarde l'ensemble, c'est vraiment une toute petite portion de déchets, disons la plus valorisable. Des déchets nucléaires, il y en a plein, il y en a plein de types. Combustibles usés, matériaux de construction après le démantèlement des centrales, les blouses, les bottes, les gants qui servent à des manipulations radioactives, les tenues obligatoires à l'entrée dans une zone interdite, enfin radioactive, les pièces mécaniques. Il y a aussi ce qu'on appelle les déchets sur pied, bon, c'est les installations à démanteler, les murs, les équipements, les bâtiments. Et tous ces déchets, ils sont classés selon leur durée de vie radioactive et leur force de rayonnement. Donc il y a tout un classement hyper complexe. Là-dedans, il y a les déchets dits de faible activité, TFA, qui sont simplement entreposés dans des sites de stockage. Alors, des sites d'entreposage ou de stockage, il y en a un peu partout en France. Si j'ai bien compté, il y en a 24. Donc ça, c'est toujours la carte de la CRIRAD qui nous l'apprend. Et à ce sujet, je vous conseille de lire un témoignage que j'ai trouvé dans un journal niçois qui s'appelle Mouais, MOUAIS.org. J'imagine qu'on peut trouver aussi en ligne, mais je l'ai sur papier. Et c'est une interview de quelqu'un qui a pu approcher un peu, être à l'intérieur de ces sites d'entreposage et voir comment ça fonctionne. Et ça explique comment ces déchets à très faible activité sont traités, et c'est complètement du délire. En gros, ça dit, par exemple, ils font une alvéole de stockage, c'est une sorte de grosse tranchée améliorée. Ils empilent les colis, ils appellent ça les colis en mode Tetris, puis ils les ensablent et les bétonnent à chaque couche. Sachant que dans ces TFA, donc déchets à très, très faible activité, il y en a qui vont durer jusqu'à 16 milliards d'années. Donc bon, c'est très faible. Mais le déchet, on se demande pour les autres. Je crois qu'on ne sait pas. Le soleil aura explosé d'ici là. C'est ça. Mais alors, le déchet nucléaire, ça peut aussi être de la poussière ou par exemple un liquide qui s'est renversé sur le sol, qui fait que le sol aussi devient un déchet. En gros, c'est vraiment complètement infini. Il y a énormément de matière qui remplit les centres de stockage, qui arrive vite à saturation. Il faut donc tout le temps en construire de nouveau, et il y en a 24 aujourd'hui. Et bon, quand on pense par exemple au démantèlement à venir, s'il y en a, ça fout complètement le vertige. Donc 24 plus le projet d'enfouissement à Bure, dont je vais parler un peu plus tard. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la réglementation, elle change. Par exemple, dans les années 60, ce n'était pas la même qu'aujourd'hui. Donc, on ne traitait pas les déchets de la même manière. Donc, souvent, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils redéterrent certains déchets pour les reconditionner. C'est absolument infini, complètement délirant. Et il faut savoir aussi que décontaminer, ça n'existe pas. Ça vaut pour une explosion nucléaire d'une bombe ou pour les catastrophes produites par des centrales dites civiles. La radioactivité, elle ne disparaît pas, ou sinon au bout d'un temps extrêmement long, qu'on ne sait même pas combien. On ne peut pas l'éliminer, on peut juste, et encore, pas sûr, la faire changer d'endroit, la ranger en gros, et sans garantie qu'elle ne s'échappe pas en plus. Il y a aussi en ceux et en dessous duquel des déchets vont en décharge traditionnelle. Bon, j'ai pas fouillé pour savoir exactement quel est ce seuil, mais en tout cas, il y a aussi des déchets faiblement radioactifs, attention, qui finissent dans des décharges normales. Et pour ce qui est des déchets les plus dangereux, qui sont eux dits de haute activité ou de moyenne activité à vie longue, il est aujourd'hui question de les enfouir. Alors l'argument majeur de l'enfouissement, c'est qu'il est censé être réversible, c'est-à-dire en gros, peut-être dans 100 ans, dans 200 ans, quelqu'un d'autre aura une meilleure idée quant à savoir quoi en faire de ces déchets, ce qui revient à attendre de la science de demain qu'elle gère les problèmes créés par la science d'aujourd'hui. Bon, sacré pari. Et ces déchets à haute activité, aujourd'hui, il est question de les enterrer à Bure. Donc, je pense qu'à peu près tout le monde a déjà entendu parler de Bure dans la Meuse. C'est le fameux projet CIGEO mené par l'INDRA. Donc, l'INDRA, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Et sa fabuleuse idée est d'enterrer 83 000 mètres cubes de ces déchets à haute activité dans 270 km de galeries souterraines creusées à 105 mètres de profondeur. Alors, petit détail qu'on apprend toujours dans le même témoignage là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le projet CIGEO est censé accueillir presque 10% de déchets hautement radioactifs issus de l'arsenal nucléaire en particulier. Et aussi qu'avec le nouveau programme nucléaire de Macron, le futur stockage de Bure est déjà saturé avant même d'être construit. Enfin, si on inclut les prévisions. Donc voilà. Bon, avant même d'être construit, on espère qu'il ne le sera pas, parce qu'il y a une lutte sur place qui quand même dure déjà depuis pas mal d'années. Et c'est pas dit que ce projet se fera. En tout cas, on espère qu'il ne se fera pas. Et alors, juste pour terminer ce petit panorama de mise en parallèle entre les filières dites civiles et militaires, il y a un autre lien entre ces deux filières qui est alors les centrales civiles dites civiles, c'est autant de bombes que l'ennemi n'aura pas à sortir de son arsenal en cas de guerre. Ce sont des cibles stratégiques de premier ordre, et les centrales, mais aussi toute la chaîne du nucléaire, du transport de l'uranium aux piscines de retraitement de La Hague et d'ailleurs, en passant par les centrales elles-mêmes, sachant que la cinquantaine de tonnes de plutonium stockées à La Hague, par exemple, suffit pour couper la Terre en deux. Donc, il n'y a pas que les territoires immédiatement proches qui seront concernés par un truc du genre. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour cette raison, mais aussi tout simplement parce que la chaîne du nucléaire est dangereuse en soi, y compris en temps de paix, eh bien, le système de surveillance et de sécurité des centrales nucléaires est un système militarisé. Et ce qui est, pour faire un petit rappel, dans les années 70, les anti-nucs disaient société nucléaire, société policière, et c'est, ça me semble aussi être une bonne raison pour ne pas séparer les deux. Merci, merci pour cet exposé. Peut-être on va passer un petit morceau de musique. On va écouter la chanson qui s'appelle Hiroshima du groupe Dirt. De retour dans le studio sur Radio Dio 895 FM dans l'émission J'irai pas, une émission anti-militariste tous les premiers mercredis du mois à partir de 16h30. Aujourd'hui c'est un peu spécial, on a pas mal d'invités donc on va prendre un peu plus de temps, on risque de dépasser, c'est les vacances. Du coup on a un peu plus de contenu, c'est bizarre, c'est un peu paradoxal. Maintenant c'est aussi un jour spécial, c'est le 6 août 2025, c'est les 80 ans du bombardement d'Hiroshima. On se devait d'en parler. On a déjà parlé du projet Manhattan, on a déjà parlé des bombes atomiques dans une émission il y a 2 ans, le 9 août 2023. C'était le triste anniversaire de Nagasaki. On avait parlé du philosophe Gunther Anders aussi. On va pas parler de celui-là, mais bientôt on parlera d'un autre. On essaiera de développer un peu de théorie autour de tout ça, de tout ce qui est arrivé. Et Polo, avant de faire son petit exposé sur le nucléaire civil et militaire, me suggérait de parler des essais nucléaires. Alors, je vais être un peu court. Je peux conseiller la lecture validée par l'Assemblée nationale du rapport au nom de la commission d'enquête relative à la politique française d'expérimentation. On a dit qu'on parlait pas d'experts, non. Ouais, ben alors, il se trouve que c'est assez drôle, en fait. Moi, je le lis un peu comme... il fait 700 pages, mais du coup, il y a des trucs un peu drôles. Par exemple, ils disent, non, mais on n'a pas relevé de radioactivité. Là, on a fait des relevés. Non, il n'y a pas de radioactivité. D'ailleurs, c'est les Chinois, en fait. C'est les essais chinois, la radioactivité qu'il y a là-bas. Ah bon ? Mais je croyais qu'il n'y avait pas de radioactivité. Et comment on fait pour dire que c'est les essais chinois qu'on retrouve en Polynésie ? Ah pardon, j'ai pas dit le nom du rapport, c'est le rapport sur les essais nucléaires en Polynésie. Après, il y a d'autres trucs drôles, ils disent « Oui, bon, il y a du plutonium, mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coulé du béton par-dessus, et voilà, tout va bien. » Bon, après, dans le rapport, on nous dit qu'il y a une tempête qui a arraché tout le bitume, donc le plutonium se retrouve à nouveau à la surface en Polynésie. Voilà, on apprend plein de choses sur la construction du fameux centre d'expérimentation du Pacifique, celui qui a servi à faire les 193 essais nucléaires en Polynésie française. Voilà, on apprend aussi, parce qu'on parlait des plus de 2000 essais nucléaires de tous les pays, on apprend aussi qu'en fait, la population sur place a été un peu laissée pour compte, quoi. En fait, on voit que les différences de traitement entre les personnes qui vivaient déjà là et les personnes, entre autres, du CEA ou des militaires qui étaient sur place, en fait, on disait à la population, non, mais en fait, là, pendant quelques jours, il ne faut pas manger les poissons, et pas les salades, et pas les coquillages. Ok, mais on mange quoi alors ? En fait, vous nous dites de ne pas nous nourrir de notre alimentation principale, quoi. Et puis ça suffit pas surtout. Et puis on n'avait pas pensé que. Il y a des retombées. Voilà, on n'avait pas pensé aux retombées. Et en fait, dans le rapport, on peut lire aussi que en fait, ils se sont rendus compte que les personnes qui vivent sur place, bah, elles boivent de l'eau douce. Qu'elle recueille de la pluie et qu'elle stocke dans des citernes, quoi. Et du coup, après chaque essai, ben, s'il arrive qu'il pleut pas trop longtemps après, ben, en fait, elle stocke de l'eau qui peut être radioactive aussi, quoi. Bon, voilà. Je vais pas résumer les 700 pages comme ça. En fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça, là, on peut parler des 193 essais français sur le Pacifique. Si on rajoute les 17 essais dans le Sahara algérien, ça fait 210 essais français. Et en fait, il y en a eu 2000. Et s'il y en a eu 2000, c'est que en fait, il y a énormément d'États il y a plusieurs États qui se sont dotés de la bombe atomique. Alors, ce projet Manhattan qui a abouti aux premières explosions atomiques du monde, il était hyper secret, mais pas tant que ça. Et quand tu fabriques une arme, en fait, il faut t'attendre à ce qu'en face, il y ait la même chose qui soit produite, quoi. Et ben, c'est ce qui s'est produit. On en a parlé tout à l'heure avec Guy, et il va nous donner un triste exemple, ou un exemple cynique de qu'est-ce que ça fait quand il y a plein de monde qui a des bombes atomiques. Ouais, je vais vous parler d'une journée particulière qui est le 26 septembre 1983. C'est un peu le jour où un homme ayant désobéi a évité d'une certaine manière la fin du monde. Donc en 83, la guerre froide est un peu à son paroxysme. Les États-Unis et l'Union soviétique vivent dans une méfiance permanente. Ils sont armés de plus de 60 000 ogives nucléaires prêtes à être lancées en quelques minutes. C'est l'époque des blocs, des boucliers antimissiles et d'une course à l'armement qu'on peut juger absurde. Alors ce climat d'hystérie n'est pas seulement théorique, car par le 1er septembre 1983, l'armée soviétique abat un avion civil sud-coréen qui faisant 269 morts. Alors l'incident scandalise naturellement l'opinion publique mondiale, et les relations entre Moscou et Washington deviennent plus tendues que jamais. C'est dans ce contexte, le 26 septembre 1983, que survient un incident presque oublié. Donc dans le centre de commandement secret de Serpukhov 15, près de Moscou, les systèmes d'alerte détectent ce qui semble être le lancement de 5 missiles nucléaires états-uniens. L'information vient du nouveau système satellite OKO, censé détecter les attaques en temps réel. Immédiatement, les alarmes se déclenchent. À ce moment-là, un seul homme est responsable de l'interprétation de ces données. Il s'appelle Stanislav Petrov. Il est lieutenant-colonel de l'armée soviétique. S'il suit le protocole, il doit signaler l'attaque comme confirmée. Et alors, en haut lieu, cela aurait sans doute déclenché une contre-attaque nucléaire, avec, pour résultat, des centaines de millions de morts et un possible anéantissement mutuel. Mais Petrov doute. Il garde son sang-froid. Pour lui, une vraie attaque, pense-t-il, aurait impliqué des centaines de missiles, pas 5. Et surtout, seul le système satellite a détecté l'attaque. Aucun radar terrestre ne la confirme. Quelque chose cloche. Il prend une décision insensée pour un militaire. Il choisit de ne pas transmettre l'alerte. Il désobéit. Et il a raison. Quelques heures plus tard, on découvrira que l'alerte était due à une erreur technique. Le reflet du soleil sur des nuages avait trompé les capteurs du satellite. Il ne s'agissait pas d'un missile, mais d'un simple bug. Petrov n'a pas reçu de médaille. Au contraire, il a été brièvement blâmé pour avoir failli au protocole. L'affaire est restée secrète pendant plus de 15 ans, car reconnaître que l'URSS avait failli déclencher une guerre nucléaire par erreur n'était pas très glorieux. Mais ce qu'il a fait ce jour-là, c'est refuser de faire confiance à une machine automatisée. Il a préféré réfléchir, douter, faire preuve de discernement, quand tout autour de lui exigeait une obéissance immédiate. Le 26 septembre 1983, ce n'est pas une stratégie militaire qui a sauvé le monde. C'est un militaire qui a refusé d'obéir aveuglément. Cette histoire rappelle une chose essentielle. Plus nos systèmes et nos systèmes de guerre en particulier, deviennent complexes, plus ils dépendent de personnes prêtes à appuyer sur un bouton sans réfléchir. Et quand une erreur se produit, car les erreurs arrivent toujours, presque toujours, ce sont des millions de vies qui dépendent d'un seul doigt. Alors Petrov, bien sûr, n'a pas gagné de guerre. Il a juste empêché que tout le monde en meure. Mais peut-être que, à l'attention des auditeurs et des auditrices, on peut noter les deux films qui en fait font la fiction du déclenchement d'un événement de cet ordre-là. Quoi. Il y a Docteur Folamour de Kubrick, qui est le plus connu, et Point Limite, dont je connais pas le réalisateur en fait. Sidney Lumet. Merci. Et qui montre bien. Je n'ai vu que le premier des deux. Et j'ai hâte de voir le second. Mais je crois, en tout cas, dans le premier, cela montre que ce type de défense, de système de défense, en fait, ils sont cybernétisés, c'est-à-dire que la mainmise humaine, elle est très pauvre, quoi. Et qu'effectivement, l'erreur, elle n'est pas humaine dans ce cas-là. On pourrait retourner le compliment, quoi. Tout à fait. Ah, et les deux films sont sortis en 67, et il y a une petite controverse sur la genèse. Moi, je ne connais pas. Si quelqu'un... Je ne sais pas s'ils peuvent nous écrire, les auditeurs et oui, les auditrices. Oui, ouais, ils peuvent écrire à l'adresse mail jirepas, tout attaché, jirepas@riseup.net. Ils ont la solution de la controverse. Oui, ouais, je suis très curieux de savoir comment deux films qui traitent du même sujet quasiment de la même manière avec la même mise en scène. On me dit que on me fait des signes que pas tant que ça sortent la même année, quoi. D'experts en. Ouais, mais je crois que Kubrick a accéléré la sortie de Docteur Folamour pour passer devant la sortie de Point Limite. Ah, mais... on a un point de vue d'un côté. Alors attention. Après, les deux, j'aime bien. Enfin, c'est intéressant. Il n'y avait pas un procès pour plagiat dans cette histoire. Mais c'est tiré d'un bouquin Point Limite, hein, je crois. Ok. Docteur Folamour, ça doit être pareil, peut-être, ou les deux, ou un des deux. Enfin. Peut-être que Fab en sait plus. Non, mais en fait, je me disais, soit je relis un extrait concernant les Ibakusha, qui sont les survivants à la bombe atomique d'Hiroshima et de Nagasaki, soit est-ce qu'on a un peu de temps Oui, on peut dépasser. On peut dépasser parce que les voisines sont. Notre émission voisine, Cours vite, le vieux monde est derrière toi. Notre émission voisine, elle est en vacances le mois d'août. Du coup, on peut dépasser un petit peu, ouais. Ok, un autre extrait du livre qui s'appelle Hiroshima de John Hersey. Et là, nous allons suivre un peu les histoires de Madame Nakamura et on va parler des victimes justement de la bombe d'Hiroshima et Nagasaki et de leur relégation justement après les Polynésiens et voilà. Pour parler de ceux qui ont connu les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, les Japonais répugnent à employer le terme de survivant. Parce qu'en insistant sur le fait d'être en vie, il pourrait passer pour un affront à l'égard des défunts, considérés comme sacrés. La catégorie de gens à laquelle appartenait Madame Nakamura en vient donc être désignée par le terme plus neutre de « Ibakusha », qui signifie littéralement « personne affectée par l'explosion ». Pendant plus de 10 ans après les bombardements, les Ibakusha vécurent dans une réelle misère économique. Le gouvernement japonais refusant d'endosser la moindre responsabilité morale pour les actes de haine perpétrés par les États-Unis victorieux. Même s'il apparut bientôt que nombre d'Ibakusha souffraient de maux consécutifs à l'exposition aux bombes qui étaient très différents en nature et en degré de ceux des personnes qui avaient survécu au déluge de feu à Tokyo ou ailleurs, le gouvernement n'envisa aucune mesure particulière pour leur venir en aide, jusqu'au jour où, ironie du sort, une vague de colère s'empara de tout le Japon après que les 23 hommes d'équipage du chalutier Le Dragon Chanceux 5 et sa cargaison de thon eurent été irradiés au cours de l'essai nucléaire qu'effectuèrent les Américains à Bikini en 1954. Dès Dès lors, il fallut encore 3 ans avant que la Diet vote une loi d'assistance aux Ibakusha. Bien que Madame Nakamura n'en sût encore rien, de sombres jours l'attendaient. D'autant que, à Hiroshima, les premières années de l'après-guerre, surtout pour les pauvres comme elle, furent une époque dominée par le désordre, la faim, l'avidité, le vol et le marché noir. Les employeurs qui n'étaient pas des Ibakusha manifestaient un préjugé à l'encontre des survivants, à mesure que se répandait la rumeur qu'ils étaient sujets à toutes sortes de maladies, et que même ceux qui, comme Madame Nakamura, n'étaient pas cruellement mutilés et n'avaient pas développé ouvertement des symptômes, étaient des employés peu fiables, étant donné que la plupart d'entre eux semblaient souffrir, comme elle, d'un mal mystérieux mais réel, qui finit par être connu comme une des maladies durables dues à la bombe atomique. Faiblesse, fatigue tenace, vertige occasionnel, troubles digestifs, le tout aggravé par une sensation d'oppression et un sentiment de damnation, puisque l'on racontait que ces maladies indéfinissables pouvaient à tout moment semer des fleurs dangereuses dans le corps de leurs victimes, voire dans celui de leurs descendants. Tandis que Madame Nakamura se battait pour survivre au jour le jour, elle n'avait pas le temps d'adopter une attitude quelconque par rapport à la bombe, en quoi que ce soit. Curieusement, elle était en proie à une sorte de passivité qui se résumait dans une phrase qu'elle-même prononçait parfois, « Shingata Ganai ». Bien que non-croyante, elle vivait dans une culture imprégnée depuis longtemps de la croyance bouddhiste selon laquelle la résignation peut conduire à l'illumination. Comme d'autres citoyens, elle avait partagé un profond sentiment d'impuissance face à une autorité d'État qui revêtait une force divine depuis la restauration Meiji en 1868. Et l'enfer dont elle avait été témoin, tout comme les terribles conséquences qui en résultaient, dépassait de si loin l'entendement humain qu'il était impossible de les considérer comme des actes commis par des êtres humains, haïssables, tels que le pilote de l'Enola Gay, ou le président Truman, ou les savants qui avaient fabriqué la bombe, ou même plus proches, les militaires japonais qui avaient contribué au déclenchement de la guerre. Le bombardement apparaissait, pour ainsi dire, comme une catastrophe naturelle, une catastrophe qui n'avait été qu'une malchance, un destin, que l'on se doit d'accepter à endurer. Voilà. Deuxième extrait du livre Hiroshima de John Hersey. C'est terrible la religion quand même. Ouais. Et la seule, du coup, ce qu'elle dit, c'est que la seule émeute contre le nucléaire, ça a été en 54 quand après un autre essai américain. Après un autre essai américain où en gros qui a contaminé une partie du Japon et des mers du Japon, le poisson, on pouvait plus consommer du poisson, etc. Et du coup, ça a ravivé le souvenir et là, il y a eu une il y a eu un peu une crise, voilà. 9 ans après, quoi. 9 ans après. Est-ce que Cléo veut enchaîner ? Est-ce que tu veux qu'on passe un morceau ? T'es à l'aise ? Moi, je suis prêt. Allez. Eh bien, durant mes études et jusqu'à récemment, bien que de moins en moins, j'ai eu l'occasion de lire un peu les textes du philosophe Martin Heidegger. Et parmi ses écrits, j'avais retenu une phrase un peu étrange qui m'a semblé intéressante de vous partager aujourd'hui, notamment avec l'idée d'en comprendre quelque chose. Cette phrase de Heidegger, prononcée en 1951 lors d'un question-réponse avec des étudiants et professeurs de l'Université de Zurich, concerne la bombe atomique. Et comme je le disais, elle est un peu étrange. En tout cas, elle n'est pas évidente. Elle pourrait paraître provocatrice. Elle pourrait aussi le rester. Et elle pose question. Alors je vous la cite d'abord brièvement, de manière tronquée, puis au fil de l'explication, je la citerai et reciterai plus longuement. La bombe atomique a explosé depuis beau temps. Je coupe et me retrouve une ligne plus bas, depuis Descartes. La bombe atomique a explosé depuis beau temps, depuis Descartes. Alors pour être honnête, je n'ai pas fait de recherche pour savoir s'il y a eu dans la conception de la bombe atomique, un ou une dénommée Descartes, auquel ou à laquelle pourrait incomber le plus clair de la responsabilité de l'explosion de la bombe. Mais je crois que de toute façon, ce serait une fausse piste, et que Heidegger ne vise pas quelconque employé de l'industrie de la guerre états-unienne. Les philosophes ayant une petite tendance à discuter entre eux, même à travers les siècles, mais bon, pour celles et ceux qui le connaissaient, vous l'aviez reconnu, Heidegger désignait René Descartes, l'auteur des méditations métaphysiques, connu pour le doute méthodique et la formule de l'ego cogito, le sujet pensant, traduit communément en « je pense, donc je suis ». Point de doute au sujet de savoir de quel Descartes il s'agit une fois que l'on a rappelé cela. Et moins de doute encore quand on lit le paragraphe sans l'amputer comme je l'ai fait. Je reprends donc. La bombe atomique a explosé depuis beau temps. Exactement au moment, un éclair, où l'être humain est entré en insurrection par rapport à l'être, et de lui-même a posé l'être, le transformant en objet de sa représentation, depuis Descartes. Il y a donc beau temps, en effet, si l'on suit Heidegger, car Descartes n'est pas un contemporain du projet Manhattan, ni même un contemporain des théoriciens qui révolutionnèrent la science physique et auxquels on attribue parfois la paternité ou la grand-paternité, et je crois que c'est plutôt une histoire de mec, partagée de la bombe. Ni non plus un contemporain des fatales recherches de Marie et Pierre Curie sur la radioactivité. Ah, c'est pas qu'une histoire de mec, là. Il y a Marie Curie, quand même. Ah oui. Mais il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Il y a beau temps. Il y a beau temps puisqu'il faut remonter au XVIIe siècle, dans un moment qu'on ne saurait exactement dater. Aussi instantané qu'un éclair, nous dit Heidegger, qui durerait depuis Descartes, quelque part entre 1596 et 1650, et jusqu'à aujourd'hui. Conforme au geste de refondation de la science qui imprégnait son époque, Descartes propose une expression de ce projet qui est de fonder la science sur la certitude du sujet. La certitude de soi étant la première et plus sûre des vérités. Alors, par le doute méthodique, Descartes fait abstraction de tout ce qui existe, mais ce faisant, établit qu'il reste quelque chose, le sujet qui doute. Il n'y a plus rien, le monde n'existe plus, mais l'ego cogite, donc il est. Le sujet est cet être pensant, fondé sur et par sa propre pensée. Le sujet est cet être doué de raison, qui s'est éprouvé rationnellement à partir de l'abstraction de tout. Et quelque part, en fait, de la négation de tout. Et il est certain de sa primauté par ce fait-là. Ainsi, et à partir de là, toutes choses vont pouvoir être réhabilitées, mais cette fois à partir du sujet pensant. Nouveau socle de connaissances véritables et certaines. Les choses n'apparaissent plus que comme, Heidegger nous le disait, les choses n'apparaissent plus que comme objet de la représentation. Représentation d'un sujet. La bombe atomique a explosé depuis beau temps, exactement au moment, un éclair, où l'être humain est entré en insurrection par rapport à l'être, et de lui-même a posé l'être, le transformant en objet de sa représentation, depuis Descartes. Ce changement de paradigme dans la science, à l'époque de l'essor de la science moderne fondée sur l'expérimentation instrumentale et la mathématisation du savoir, basée elle-même sur la raison comprise uniquement comme ratio, c'est-à-dire comme calcul ou puissance de calcul. Et ce changement de paradigme est une véritable révolution dans le rapport des êtres humains au monde qui les entoure. Dans un autre texte, une conférence, cette fois-ci prononcée en 1955 et traduite sous le titre « Sérénité », Heidegger ajoute à propos de l'ère atomique, dont nombre de scientifiques s'accordent à cette époque à dire qu'elle s'est ouverte pour le plus grand bonheur de l'humanité. Depuis plusieurs siècles, un renversement de toutes les représentations fondamentales est en cours. L'homme est ainsi transporté dans une autre réalité. Cette révolution radicale de notre vue du monde s'accomplit dans la philosophie moderne. Il en résulte une position entièrement nouvelle de l'homme dans le monde et par rapport au monde. Le monde apparaît maintenant comme un objet sur lequel la pensée calculante dirige ses attaques. Et à ces attaques, plus rien ne doit résister. La nature devient un unique réservoir géant, une source d'énergie pour la technique et l'industrie moderne. Ce rapport foncièrement technique de l'homme au tout du monde est apparu pour la première fois au XVIIe siècle. Il confirme donc ce qu'il disait déjà à la volée 4 ans plus tôt. Bon, s'agit-il alors, en conformité avec le fonctionnement même d'une bombe atomique qui s'appuie sur une inarrêtable réaction en chaîne, s'agit-il de dire que Descartes, en quelques lignes, aurait noué une chaîne causale qui mena à l'explosion de la bombe ? La modernité nous a-t-elle enchaîné à un destin funeste, mortifère pour l'humanité tout entière ? Est-il inéluctable qu'une science, avec une majuscule, qui s'ouvrit sur une tabula rasa, l'abstraction, s'achèvera dans la destruction ? Tout cela désigne-t-elle clairement des coupables, ou la chose ne nous aurait-elle pas échappé au moment même où le sujet pensant paraissait pourtant si souverain ? Bon, je laisse ces questions à votre curiosité ou à votre jugement, et peut-être qu'on en reparlera une autre fois. Bah oui, ça peut être l'occasion de... Merci, ça peut être l'occasion de revenir pour ouvrir... On pensait ouvrir cette émission en la fermant. La tabula rasa amène-t-elle à la destruction totale de tout ? Bah, peut-être qu'on... Ouais, c'est bien, prenons le temps d'en discuter dans une prochaine émission. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des réactions autour de la table ou pas tout de suite. On passe un petit morceau et après on reviendra pour se dire au revoir, pour se donner des rendez-vous. Ça vous va ? Ouais. Alors, eh ben, on l'a déjà fait, mais on peut quand même passer le morceau Enola Gay. Ouais. du nom de l'avion qui larga. Et en fait, c'était le nom de la mer. Enfin, c'était quoi l'histoire ? Le nom de la mer du pilote. Du pilote, de Paul Tibbets, ouais. Le pilote qui a largué. Parce que, ben oui, parce qu'en fait, c'était une manière de se porter chance, quoi. Et on sait si elle était d'accord, Emma ? Je pense pas qu'on lui ait demandé son avis. Vous avez pas dit plutôt que le pilote qui a largué la bombe, il était pas au courant de ce qu'il était en train de faire ? Non, c'est son équipage qui était pas au courant. Ah. Ouais, et puis en fait, il n'était pas vraiment au courant non plus parce que. Il était au courant tardivement. Il n'était pas au courant à la mesure, mais qui est au courant à la mesure de ce que c'est, quoi. C'est bien le problème de la mesure. Le ratio. Ou de notre manque d'imagination face à la catastrophe. Allez, un petit morceau, et puis pour reprendre nos esprits, et puis on reviendra vous dire au revoir tout à l'heure. Vous êtes sur Radio Dio 89.5 FM et il est 17h37, on a un peu dépassé, on va continuer de dépasser. On écoute ce morceau. c'est incroyable d'avoir composé une chanson aussi gaie sur, sur cet événement. Et oui, du coup, si on écoute attentivement les paroles, si on arrive à se les traduire, en fait, il dit « Little Boy n'aurait jamais dû quitter sa maison. Little Boy, c'est le nom de la bombe atomique. Quoi. Il est 8h15 ce matin et Little Boy n'aurait jamais dû partir. » Voilà. Donc, en fait, elle est quand même assez radicale dans son propos. Et on s'en rend pas compte tout de suite. Tellement mauvais en anglais, de toute façon. Bah, en écoutant Cléo, moi, qui parlait de la raison et des savants, et, ça me faisait penser que lors de l'essai Trinity, le 16 juillet 1945, en fait, il y avait un physicien qui s'appelait Taylor qui a eu un peu peur que la réaction en chaîne continue dans la dévastation. En fait, il avait peur que les noyaux d'azote de l'atmosphère se mettent à fusionner pour fabriquer du magnésium. Et donc, en fait, si la réaction en chaîne de la première bombe atomique de l'histoire provoquait une autre réaction en chaîne à l'aide des atomes d'azote, eh ben, en fait, c'en était fini de la planète. Bon, alors c'était une inquiétude de scientifique. On lui a dit de la fermer. On a fait le test et ça n'a pas embrasé l'atmosphère. Et du coup, on a pu continuer encore cette sombre histoire de bombe atomique. En fin d'émission, et avant de donner quelques dates pour se retrouver, quelques horaires pour se retrouver ou critiquer l'armement nucléaire, bon, on a bien compris qu'il était ni civil ni militaire, qu'il était dual, quoi. L'industrie nucléaire. Une grosse dédicace à des potes qui habitent dans la Drôme, juste entre la centrale dite civile de Cruas et la centrale à usage militaire initialement de Tricastin. Ils se reconnaîtront. Il m'avait conseillé une chanson d'ailleurs, un morceau de John Coltrane qu'on n'a pas eu le temps de passer, qui s'appelle Peace on Earth, Paix sur Terre. Qui a été inspiré par la visite de Nagasaki et que John Coltrane a composé ce morceau-là. Mais on pense à vous et on passe au rendez-vous du mois d'août. Alors oui, les rendez-vous, on a parlé tout à l'heure. Enfin, moi, j'ai parlé du projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure. Eh bien, à Bure, ça va pas mal se bouger au mois de septembre et on l'espère aussi après. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un des lieux collectifs de la lutte anti-CGO contre ce projet, donc, qui est menacé d'expulsion, c'est la gare. Qui est donc en cours d'expropriation parce qu'elle se trouve sur le trajet de la future voie ferrée qui doit donc amener les déchets nucléaires dans les sous-sols de Bure. Et du coup, les personnes sur place appellent à venir occuper la gare. Donc ça commence en septembre, mais c'est censé durer autant que possible. Donc ils ont appelé ça le septembre infini, comme les déchets, comme le nucléaire. Et du coup, pour donner quelques dates, il y a le montage du 15, 25, 20, 31 août et le début du 15 entre le 1er et le 3 septembre qui se font en mixité choisie sans mec, c'est genre hétéro. Et par contre, à partir du 4, le camp est mixte. Donc n'hésitez pas, enfin avant ou après, hein, selon vous. Et ensuite, il y a une grande manifestation le 20 septembre vers Bure. Donc, il y a plus d'informations sur tout ça qui peuvent être trouvées sur le site burbure.info. Burbure. Ah, burbure, pardon. C'est vrai. Et un rendez-vous quasiment immédiat pour les auditeurs auditrices qui nous écoutent sur le 89.5 FM. Il y aurait un... Ah, mais tu voulais le dire, Guy? Non, bah, on aurait pu le faire en marchant si on avait un studio portatif. Mais... Ah oui, bah ouais, là, peut-être qu'on va y arriver quand même. À 18h, place Jean Jaurès, justement, il y a des groupes ou organisations qui appellent à se rassembler pour commémorer cette triste date de 80 ans du bombardement d'Hiroshima. À Saint-Étienne, ouais. Il me semble avoir lu que c'était devant la statue de Jaurès, je crois. Devant la statue de Jean Jaurès qui est juste derrière l'hôtel de ville, en fait, sur la place Jean Jaurès, qui porte bien son nom. Enfin, qui porte son nom. peut-être on m'a dit qu'il y aurait peut-être un quiz. Peut-être. Oula, un Atomic Quiz. Peut-être sur un Atomic Quiz. Avec des petits sablés à gagner. Ok. Atomic Cake. Bon, bah alors voilà, pour les personnes qui ont envie d'aller goûter, peut-être que ça peut être une deuxième occasion, une occasion supplémentaire de rejoindre ce rassemblement commémoratif des 80 ans du bombardement d'Hiroshima. Il faut gagner le quiz quand même pour goûter. Hein. Ah, ok. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose? Bah, je me disais qu'on peut mettre le morceau envoyé par le copain. Allez, on va mettre John Coltrane alors. Ok, on écoute ça et en attendant, à bas l'armée, vive l'amitié, à bas la guerre et vive la lutte. Salut. Salut. Thank you.